Les recherches de Victorin furent infructueuses. Voici pourquoi. Le baron s'était fait conduire à la place du palais royal. Là, cet homme, qui retrouva tout son esprit pour accomplir un dessein prémédité pendant les jours où il était resté dans son lit, anéanti de douleur et de chagrin, traversa le palais royal et alla prendre une magnifique voiture de remise, rue Joquelet. D'après l'ordre reçu, le cocher entra rue de la Ville-l'Évêque, au fond de l'hôtel Josepha, dont les portes s'ouvrirent, au cri du cocher, pour cette splendide voiture. Josepha vint, amenée par la curiosité. Son valet de chambre lui avait dit qu'un vieillard impotent, incapable de quitter sa voiture, la priait de descendre pour un instant. « Josepha, c'est moi !» L'illustre cantatrice ne reconnut sur nul qu'à la voix. « Comment c'est toi ? Mon pauvre vieux, ma parole d'honneur, tu ressembles aux pièces de 20 francs que les Juifs d'Allemagne ont lavées et que les changeurs refusent. Hélas, oui, répondit Hulot, je sors des bras de la mort. Mais tu es toujours belle, toi. Seras-tu bonne? C'est selon, tout est relatif, dit-elle.